Chapitre 25. Rouletabille part en voyage. Le soir même, nous quittions le Glandier, Rouletabille et moi. Nous en étions fort heureux. Cet endroit n'avait rien qui pût encore nous retenir. Je déclarais que je renonçais à percer tant de mystères, et Rouletabille, en me donnant une tape amicale sur l'épaule, me confia qu'il n'avait plus rien à apprendre au Glandier, parce que le Glandier lui avait tout appris. Nous arrivâmes à Paris vers 8 heures. Nous dînâmes rapidement, puis, fatigués, nous nous séparâmes en nous donnant rendez-vous le lendemain matin chez moi. À l'heure dite, Rouletabille entrait dans ma chambre. Il était vêtu d'un complet à carreaux en drap anglais, avec un ulster sous le bras, une casquette sur la tête et un sac à la main. Il m'apprit qu'il partait en voyage. « Combien de temps serez-vous parti ? » lui demandai-je. « 1 mois ou 2, » fit-il. « Cela dépend. » Je n'osais l'interroger. « Savez-vous, » me dit-il, « quel est le mot que Mademoiselle Stangerson a prononcé hier avant de s'évanouir en regardant M. Robert Darzac ?»« Non, personne ne l'a entendu. »« Si, » répliqua Rouletabille. « Moi ?» Elle lui disait « Parle !»« Et M. Darzac parlera ?»« Jamais !» J'aurais voulu prolonger l'entretien, mais il me serra fortement la main et me souhaita une bonne santé. Je n'eus que le temps de lui demander. « Vous ne craignez point que, pendant votre absence, il se commette de nouveaux attentats ?»« Je ne crains plus rien de ce genre, » dit-il. « Depuis que M. Darzac est en prison. » Sur cette parole bizarre, il me quitta. Je ne devais plus le revoir qu'en cour d'assises, au moment du procès Darzac, lorsqu'il vint à la barre expliquer l'inexplicable.